Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'écrivaine et activiste noire américaine Maya Angelou. Maya Angelou est un personnage fascinant elle-même. Sa vie, c'est comme un roman. Le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Maya Angelou, c'est passion. Quand on sort de ce livre, après 400 pages, on se dit, on a l'impression qu'elle a vécu 10 vies. L'auteur haïtienne Jean-J. Dominique à l'émission « Vous m'en lirez tant » le 14 septembre 2008 qui parle de Maya Angelou à l'occasion de la publication en français de son livre « Tant que je serai noire ». Le parcours de Maya Angelou est de fait celui d'une femme d'exception, poète, écrivaine, cinéaste, actrice. Elle sera aussi l'une des figures importantes de la marche des Noirs pour la reconnaissance de leurs droits aux côtés de Malcolm X et de Martin Luther King. Maya Angelou sera une source d'inspiration pour des millions de femmes et d'hommes de par le monde. L'œuvre littéraire qu'elle nous laisse compte parmi les plus beaux fleurons de la littérature américaine. J'étais noire et petite et ignorante et pauvre. Et vous aviez un frère. One cannot be, ne peut pas être gay. Mais il était le bonheur. Parce que j'étais avec ma grand-mère. Cette grand-mère, elle me dit que moi, je suis une humaine. Il n'y a pas les choses humaines que d'être étranger à moi. Si je voudrais devenir président, oui, pourquoi pas. Vous pouvez. Pourquoi pas. Vous pouvez. Et moi, je crois maintenant. Oui, maintenant. Je suis la première femme en Hollywood qui met en scène, who is a director. Qui met en scène. Oui. I'm a distinguished professor in 14 universities. Je suis le Chubb Fellow at Yale University. Oui, pourquoi pas? Tout est possible. Oh oui! Maya Angelou, quel extrait formidable à l'émission française « La rage de lire » en novembre 1980. Maya Angelou, d'ailleurs, qui parlait 7 ou 8 langues de mémoire. Pour nous parler de la vie et de l'importance de Maya Angelou, j'accueille mon collègue, l'auteur Stanley Péan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » présentée à Ici Musique. Stanley Péan, bonjour. Bonjour. C'est formidable, c'est vrai, cet extrait. Et ça nous montre surtout, Stanley, ce côté lumineux, ce côté positif, cette légitimité qu'elle a en elle, Maya Angelou, malgré une vie qui a été parfois très difficile. Une vie très difficile dont elle disait cependant, il n'y a rien qui me déplaise dans ma vie, c'est un combat, mais c'est la vie justement. Il y a quelque chose là-dedans de la résilience de Maya Angelou, de sa grande, grande force. Et bien avant Barack Obama, le Yes Weekend, on vient de l'entendre, oui. Tout est possible. C'est en 1980 qu'elle donne cette entrevue à la télé française. Est-ce qu'elle y croit vraiment, en 1980, à un président, une présidente noire aux États-Unis? Elle y croit, c'est certain. Elle a vu les progrès. Tout n'était pas réglé en 1980, tout ne l'est pas encore aujourd'hui, mais les progrès de la communauté noire, au fil de ces combats qu'on évoquait d'entrée de jeu, elle était aux côtés de Luther King, aux côtés de Malcolm X, donc elle avait vu progresser la cause noire. Et cette espèce de foi, je reviens à ça, mais ce côté positif, cette légitimité, tu as ta place, que sa grand-mère lui disait, tu as ta place. Il ne faut pas oublier que cette grand-mère-là est née à l'époque de l'esclavage. Ouais. Et elle aussi a vu un grand, grand changement. Bon, comme je dis, tout n'est pas réglé, mais si on avait pu abolir l'esclavage, elle encourageait son enfant à aller plus loin, et on a sa petite enfant. Donc, on a vu Maya Angelou cheminer justement sur cette route-là. Ouais. Comment résumer cette femme-là? Je l'évoquais il y a un instant, elle a tout fait. C'est une artiste, elle était chanteuse, danseuse, cinéaste, auteure, une auteure importante en littérature américaine. Elle a tout fait, elle a tout bien fait, d'une certaine manière. Activiste pour les droits des Noirs, féministe. Qu'est-ce qui, dans tout ça, Stanley Péan, la résume le mieux? Je crois qu'il faudrait utiliser le mot « âme » et dire que c'était une grande âme. Âme, évidemment, pour les Noirs américains, c'est « soul », ça renvoie tant à ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'à la musique qui l'a habité. Et c'est pas pour rien que son poème le plus célèbre parle de musique. Pourquoi est-ce qu'un oiseau chante? Pourquoi est-ce que l'oiseau en cage chante? Vous l'avez connue relativement tardivement et on va écouter en fait un extrait de la bande-annonce du téléfilm qui a tout déclenché en vous quand on parle de Maya Angelou. Growing up black is hard enough. But when your parents split and send you into the deep south, there's a lot more to learn than what they teach you in segregated school. Hate, injustice, and fear leave their scars on every lesson you learn. One young black girl faces it all and grows into a proud, strong woman. I Know Why the Caged Bird Sings, starring Esther Rolle and Dynasty's Diane Carroll in a brilliant performance you'll never forget. Ce qu'on entend, c'est un extrait de la bande-annonce donc de ce téléfilm I Know Why the Caged Bird Sings, réalisé par Maya Angelou et Fielder Cook en 1979. Ça a été pour vous la rencontre. C'est la porte d'entrée dans son univers, c'est l'adaptation de ce roman autobiographique qui porte le même titre que son poème le plus célèbre. C'est l'histoire de sa vie portée à l'écran. Il faut le replacer, tout d'un coup, la télé américaine s'intéresse aux grandes figures noires. C'est après Roots, c'est tout de suite après la mini-série d'après le roman d'Alex Haley. Elle avait participé. Et là, voilà qu'on porte son livre. Il y a des raccourcis qui sont pris. Évidemment, c'est une adaptation. Mais ça m'a poussé à aller lire le livre. Ouais. Parce que là, voilà, justement, un téléfilm sur l'affirmation de cette légitimité de la communauté noire, de sa... Elle fait partie de l'Amérique, elle aussi. Moi aussi, je suis l'Amérique, comme pour reprendre un poème célèbre. Alors, c'est ce qui m'a intéressé dans ce personnage-là, découvrant que c'était un personnage réel, non pas une fiction. Ouais. Parlons de son parcours, cette vie difficile, surtout au début, dont on parlait d'entrée de jeu. Ça sera vraiment pas toujours facile pour elle. L'enfance en particulier, là, c'est un peu le cauchemar. Elle est terrible, l'enfance. Ses parents la placent chez sa grand-mère. Ça, c'est le paradis perdu auquel elle va toujours se référer chez la grand-mère, c'est bien. Après ça, on la renvoie chez sa mère. Elle a 7 ans, elle et son frère. Pourquoi on les renvoie là? Parce que le jeune garçon, son frère, peu importe l'âge d'un garçon dans le Sud à cette époque-là, c'est extrêmement dangereux pour un noir de vivre dans le Sud des États-Unis. Le lynchage, c'est encore une réalité quotidienne jusqu'en 55. Emmett Till va être lynché en 55. Alors, voyant les dangers, on les renvoie chez la mère et chez sa mère Viviane, elle sera violée à l'âge de 7 ans par un compagnon de sa mère. Parce que sa mère semble avoir une vie très active et plusieurs hommes dans sa vie. Cet homme va la violer, elle va le dire et l'homme sera retrouvé assassiné assez brutalement, on soupçonne, par quelqu'un de l'entourage, un des oncles de Maya Angelou. Et là, traumatisée par ça, doublement traumatisée par le viol et par le meurtre qui s'ensuit, elle se dit c'est ma voix qui l'a tué, c'est mes paroles parce que je l'ai désigné comme coupable, il est mort. Et elle va se taire pendant 4 ans. Elle ne parle plus. Elle est enfermée dans elle-même et son seul lien avec l'extérieur, ça va être quand elle va découvrir la littérature, la poésie. Oui. C'est ce qui va la ramener vers la parole. Oui. Une professeure, d'ailleurs, va un petit peu la brasser, passez-moi l'expression, pour la sortir justement de son mutisme par la voie de la littérature et de son amour pour la littérature. Oui, parce qu'elle confesse par écrit qu'elle aime la poésie et cette professeure lui dit « Tu ne peux pas aimer la poésie parce que pour aimer la poésie, il faut être capable de la dire. Oui. La poésie, c'est quelque chose qu'on dit, c'est pas quelque chose qu'on lit sur la page. Il faut que les mots prennent vie. et éventuellement, c'est ce qui va arriver et ça va traverser la vie et la carrière de Maya Angelou. Ouais. Après cet épisode du viol, elle retourne donc en Arkansas chez sa grand-mère pour plusieurs années et puis elle va quitter. Ce qui pour elle est un peu, vous décriviez ce que c'est l'Arkansas à cette époque-là pour les Noirs. Elle quitte cet enfer du Sud, elle retourne sur la côte Ouest. Elle va avoir un enfant, elle va se marier, tout ça là, en quelques mois. Écoute, c'est vraiment une vie de concentré. Elle arrive à San Francisco, elle se dit je vais être conductrice de tramway. Il n'y a pas de femmes qui conduisent des tramways. Il y a encore moins de femmes noires qui en conduisent et pourtant, elle sera la première à le faire. Alors qu'elle est encore à l'école secondaire, devient mère, va se marier peu de temps après avec un musicien et marin d'origine grecque, Tosh Angelos, dont elle va prendre le nom et va garder ce nom toute sa vie. Elle s'appelle Johnson, en fait. Et donc, tranquillement, elle va s'intéresser à la danse. Elle ira étudier la danse avec les grands maîtres. Elle va quitter éventuellement la côte ouest pour New York qui est à ce moment-là dans une deuxième renaissance de la culture noire. C'est la deuxième Harlem Renaissance, on pourrait dire, parce que là, il y a vraiment un ferment là, qui se passe avec une nouvelle communauté intellectuelle et artistique qui se développe et auquel elle va prendre part. Ouais, donc 59, ça c'est son départ pour New York, mais toutes les années 50, c'est d'abord 10 ans d'études, c'est pas rien, avec la grande Martha Graham, parce qu'elle est danseuse aussi, Maya Angelou. Et puis c'est vraiment une période très très riche pour elle sur le plan des arts de la scène. Loi, loi, loi, loi, loi, boa. Joy, joy, joy, joy, Mo and the candy store, telling fortunes behind the door. The cops grabbed Mo, and as Joe ran out, Brother Mo, he began to shout, "Run, Joe, hey, the man's at the door, run, Joe, the man, he won't let me go, run, Joe, run, Joe, as fast as you can, run, Joe, this police holding me hand." La chanson Run Joe, qu'on peut entendre dans le film Calypso Heat Wave, elle chante ça en 1957, Maya Angelou. D'ailleurs, elle sera dans ces années-là. La reine de la Calypso. Voilà. Elle va découvrir, elle s'invente un petit accent d'ailleurs. Elle chante comme une caribéenne alors qu'elle n'a pas cet accent-là. On lui découvrira sa vraie voix plus mais tard. Mais c'est très riche, là. Les années 50. Comment résumer cette période artistique? Elle était touche à tout, hein. Elle voulait tout. Elle, c'était une femme qui, après avoir été enfermée, enfant, à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de sa tête, dans son silence, dans son mutisme. Et là, elle veut tout découvrir. Elle danse, elle chante, elle tourne en Europe dans une production de Porgy and Bess. Elle revient, elle enregistre ses disques de Calypso, un genre qu'elle découvre. Et elle fait des liens, plus tard on la verra, être capable d'expliquer les liens entre la Calypso et le blues, entre les formes de musique de la Caraïbe et les formes de musique noire américaine, proprement parlée. Et là, elle va arriver à New York, elle va s'intéresser au théâtre aussi. Elle est non seulement danseuse et chanteuse, tout d'un coup, elle veut jouer. Et elle veut jouer dans une production des Nègres de Jean Genet, The Blacks, avec, il faut voir, à cette époque-là, hein, c'était il y a Lou Gossett Jr., James Earl Jones et Cicely Tyson, qui sont tous des étoiles montantes du théâtre et bientôt du cinéma parmi les Noirs américains. Elle fait beaucoup de choses. Ce qui est fascinant, c'est ça, c'est tout ce qu'elle peut faire, mais elle ne le fait jamais à moitié. On l'entendait chanter. Elle fait tout bien, finalement. Elle se donne complètement. Ouais. En 61, elle rencontre l'un des compagnons d'armes de Nelson Mandela. Et là, elle va s'ouvrir sa période africaine, Stanley Péan. Oui, avec Vuzumi Maké. Vuzumi Maké, c'est justement un ami, un compagnon de lutte de Mandela. Elle va en tomber amoureuse, elle va le suivre en Égypte, elle va militer maintenant pour un panafricanisme. Donc, c'est la lutte de tous les Noirs et non pas seulement les Noirs américains. Mmh. Cependant, elle va remarquer, d'ailleurs, dans son autobiographie, que cet homme qu'elle aime beaucoup, elle se rend compte que, malgré toute cette volonté de libérer l'homme noir, ça n'inclut pas forcément la femme noire, qu'il voit plutôt de manière un peu, je dirais pas misogyne, mais au moins phallocrate. Alors, ce qui la choque un peu, au fond. Ce qui va la choquer, parce que si on fait la lutte, on la fait pour tout le monde. On ne fait pas pour reproduire le modèle que nous propose l'Occident. Ils vont se séparer. Elle va rester en Afrique, néanmoins. Elle va rester au Ghana avec son fils, le fils qu'elle avait eu d'une première union au secondaire. Avant même son mariage avec Angelos. Et donc, c'est pendant qu'elle est en Afrique qu'elle va rencontrer Malcolm X, qu'elle connaissait déjà, bien sûr. Elle était à Harlem à la fin des années 50, début des années 60, et ils vont se lier, je dis pas sentimentalement, mais elle va comprendre que Malcolm, qui est en train de revoir sa manière de mener la lutte, est sur le point de retourner aux États-Unis. Il l'invite à la suivre. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle va quitter l'Afrique et revenir aux États-Unis, alors que Malcolm X est assassiné au moment où elle débarque aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là, parce que cette cause des Noirs lui tient à cœur, elle retrouve, après le décès de Malcolm X, elle retrouve Martin Luther King. Elle avait déjà travaillé Au secrétariat de son mouvement. Ouais. Elle renoue avec lui, mais celle qui renoue avec lui n'est plus la jeune femme qui débutait. Elle est en train de devenir une star, et donc elle se joint à cette lutte. Bon, ça va durer 3 ans avant que lui aussi soit assassiné à son tour en 68. Elle connaît donc, elle côtoie les deux hommes, ces deux grandes figures de la lutte des Noirs aux États-Unis, Malcolm X et Martin Luther King. De qui est-elle le plus proche idéologiquement, Stanley Péan? Je dirais qu'idéologiquement, elle devait être plus proche de Luther King parce que elle a toujours œuvré dans la non-violence, alors que Malcolm X, qu'elle a connu de très près, et comme je dis, elle allait se joindre à lui alors qu'il commençait à changer un peu sa musique, sa chanson, mais j'ai l'impression que c'était plus sentimental, alors qu'il y avait plus d'affinité avec le message de Luther King. Donc plus grande intimité probablement avec Malcolm X, mais plus grande parenté philosophique avec Martin Luther King. Sur la question identitaire, c'est drôlement important. On l'écoute, un autre extrait de cette entrevue qu'elle accorde en 1980 à Georges Suffert à l'émission La Rage de Lire. Écoutez cet extrait qui est assez aussi formidable. Vous êtes américaine? Oui. Profondément? Oui, mais je suis américaine. Je suis noire. Peut-être... Vous êtes américaine noire, Oui, mais je suis noire américaine. Oui. Pas américaine noire. OK. OK. D'accord. C'est très important. Avouez qu'en 10 ans, l'Amérique a tout de même réussi quelque chose, enfin réussi une partie d'un pari que pas un Européen ne croyait possible. L'intégration d'une partie des Noirs américains dans le système, ou la récupération, comme vous voudrez. Non, parce qu'il y a, beaucoup de choses. Il y a le racisme. Mmh. Il a me rejeté. Mmh. Mmh. Mais vous êtes passé en force. Oui, mais en même temps, ma peau, il ne changerait pas. J'ai la musique, j'ai la langue noire, américaine noire, j'ai le rythme, j'ai l'histoire des esclavages. Ça, c'est mon histoire. C'est pas mal, c'est pas bon, ça, c'est mon histoire. OK. Comment Maya Angelou se définit sur le plan identitaire, Stanley Péan, quand elle dit à Georges Suffert, qui comprend pas trop ce qu'elle vient de lui dire, je suis pas américaine noire, je suis une noire américaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, la nuance est forte et importante. Elle se définit d'abord et avant tout comme noire. Et je parlais de panafricanisme tout à l'heure. C'est ça, elle épouse le combat des communautés noires de toute la planète. Les années 60, c'était les années d'indépendance en Afrique. Elle était très, très, très touchée par là. Elle a écrit là-dessus. Et donc, elle va se définir d'abord comme noire, et ensuite, c'est une noire qui a la particularité d'être américaine dans le sens où elle a vécu, elle a contribué à l'histoire de ce pays. Ce sont les esclaves noirs qui, en bonne partie, sont la source de la richesse de ce pays. On le dit pas assez souvent. Il y a eu une main-d'œuvre qui a travaillé plus ou moins gratuitement à faire ce pays-là. Et donc, la construction de cette nation-là, c'est quelque chose qui est fondamental pour elle. Donc, c'est la contribution de ces gens qui sont venus d'ailleurs, donc des Africains et leurs descendants dont elle se réclame. Elle a sa place dans ce pays qui est le sien, tant et si bien qu'elle pense déjà en 1980 qu'elle peut devenir présidente des États-Unis, mais ses racines, sa culture sont d'abord celles de la culture noire. C'est la culture noire et les renvoie vers l'Afrique. Ouais. Martin Luther King, on le disait, elle travaille avec lui, il va être assassiné en 68. Le jour de son anniversaire à elle. C'est vrai? Elle a 40 ans le jour où elle fête son 40e quand elle apprend que Luther King, compagnon de route, meurt assassiné. Ça va être un déclic pour elle. C'est là vraiment qu'elle va se mettre sérieusement à l'écriture. Ben jusque-là, elle écrit un peu de poésie, elle a écrit du théâtre, mais là, elle va se mettre à l'écriture de ses grandes œuvres, ses œuvres matures, qui sont cette suite de romans, on les appelle romans à cause du côté fictionnel de l'écriture elle-même, mais c'est son autobiographie dans un langage de roman. Et elle se permet de fusionner des personnages, elle se permet de réorganiser les gens de sa vie, bien avant toutes les théories sur l'autofiction qui défraient encore la manchette dans les milieux littéraires. Maya Angelou, en tout cas, elle utilise un genre qui n'est pas tout à fait le mémoire autobiographique, qui n'est pas tout à fait le roman. Donc, elle est en train d'inventer un genre qui dissout les frontières entre les deux. Et puis, en 69, il y aura ce chef-d'œuvre, en fait, sa grande œuvre qui sera publiée, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Ça va devenir un classique, ça va être étudié, en fait, dans les écoles américaines. Ce roman-là va être inscrit au programme de certaines écoles. En quoi et pourquoi ce roman-là est si important? D'abord, pour l'écriture est très, très forte, très, très poétique. On sent que c'est quelqu'un qui a le sens de la poésie, le sens du rythme aussi, qui lui vient de la musique et de la danse. Et puis, comme je disais, cette espèce de travail sur la forme, ce travail sur le romanesque, le vrai, cette manière de fusionner ça, c'est tout nouveau pour la littérature américaine. Et je pense qu'elle est... Il n'y a qu'une écrivaine américaine qui a une stature qui est peut-être supérieure quant à l'influence sur le reste de la littérature américaine, c'est Toni Morrison. Mm-hmm. C'est dire à quel point elle est en agréable compagnie. Ce sont les deux grandes dames de la littérature américaine noire. Le message qu'elle porte dans ce roman, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, mais dans toute sa littérature, parce qu'il y a sa vie, un portrait de société, mais il y a plus que ça. Il y a un message aussi. Il y a un message de résilience, un message de courage, je pense, devant l'adversité. Elle a dit sa vie, il n'y a rien qu'elle regrette de sa vie. Tout est beau, tout est nécessaire pour progresser, et c'est ce qu'elle offre à ses lecteurs. Un mot sur la dimension plus purement politique. Elle sera Par exemple, à l'investiture de Bill Clinton en 1993, elle va y réciter l'un de ses textes. Quelle importance aura cette dimension plus purement politique pour elle? Et quelle importance elle aura, Stanley Péan, dans cette sphère plus, et pour cette sphère plus purement politique? Il y a peu de modèles en politique américaine pour les Noirs. On les voit apparaître, des modèles qui sont mainstream, je veux dire par là. Et donc, elle, qui est tout à fait à l'aise avec cette faune politique-là, qui a ses qui incarne la suite et l'héritage de Luther King et de Malcolm X, au même titre qu'un John Lewis à la Chambre présentement. Et donc, que les Clinton décident, que Bill Clinton décide de l'inviter à lire un poème pour dire le changement, pour dire ce qu'on espère de cette nouvelle administration, c'est non seulement exceptionnel, elle est la deuxième poète invitée à faire une pareille apparition. Robert Frost, en 61, invité par Kennedy, était le premier poète. Elle est donc la première poète, le deuxième poète, première femme poète, première femme noire à prendre la parole lors de l'inauguration d'un président américain. Et pour dire quoi? Elle revisite un peu les mêmes thèmes que Robert Frost, mais elle parle du changement, elle parle de cette Amérique-là qu'elle a vue progresser. Et si Frost, dans son poème à lui, pouvait avoir l'air un peu nostalgique, elle, c'est une rupture. C'est, nous savons d'où nous venons, nous savons les erreurs que l'Amérique a faites. Maintenant, nous savons que nous pouvons faire mieux. C'est ce qu'elle dit à travers ce poème, qui n'est pas un de ses plus grands poèmes, mais qui est sûrement le plus connu parce qu'à cause de l'audience qu'elle a eue pour le lire. Ouais. Mais elle-même le reconnaissait qu'il y avait quelque chose de plus utilitaire que de poétique là-dedans. Donc, c'est encore un poème, mais il y a du discours politique ici. Ouais. En 2008, elle va dans la primaire démocrate, elle va appuyer Hillary Clinton plutôt que Barack Obama. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Que c'est une femme avant d'être une noire? Alors voilà, elle est noire avant d'être américaine et elle est femme avant d'être noire. Je pense que oui. Je pense qu'il y a évidemment l'amitié qu'elle avait pour le couple Clinton, Hillary en particulier. Mais il y a quelque chose de là, de voir émerger la voix des femmes, de voir les femmes accéder à, via Hillary Clinton, accéder à la Maison-Blanche. C'était important pour elle et c'était sujet de discussion. Elle me l'a confié quand je l'ai interviewée. C'était sujet de discussion assez animé entre elle et Oprah Winfrey, qui était plutôt du côté de Barack Obama. Et puis, on revient à cette relation qu'elle avait eue avec ce Sud-Africain. Au fond, ça l'avait choqué et sa prise de position peut-être en faveur de Hillary Clinton, c'est aussi de dire le combat de tous. Ben, c'est le combat de tous et de toutes. Et de toutes, à partir du moment où les femmes prennent ce pouvoir-là, donc là, on a c'est la victoire totale des minorités. Stanley Péan, auteur et animateur de l'émission Quand le jazz est là, diffusée à ICI Musique. Merci beaucoup, Stanley. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. Merci à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc, site internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.